Chapitre 50e de la spirituelle altercation qu'eurent Don Quichotte et le chanoine ainsi que d'autres événements. Voilà parbleu qui est bon, répondit Don Quichotte. Comment ? Les livres qui sont imprimés avec la licence des rois et l'approbation des examinateurs. Ces livres, qui à la satisfaction générale, sont lus et vantés des grands et des petits, des riches et des pauvres, des lettrés et des ignorants, des vilains et des gentilshommes, enfin de toute espèce de gens, de quelque état et condition que ce soit, ces livres, dis-je, seraient purs mensonges. Tandis qu'ils ont si bien le cachet de la vérité, qu'on y désigne le père, la mère, le pays, les parents, l'âge, le lieu et les exploits, point pour point, et jour par jour, que firent tel ou tel chevalier. Allons donc, taisez-vous, Seigneur, ne dites pas un si grand blasphème, et croyez-moi, car je vous donne à cet égard le meilleur conseil que puisse suivre un homme d'esprit. Sinon, lisez-les. Et vous verrez quel plaisir vous en donnera la lecture. Dites-moi donc un peu, y a-t-il un plus grand ravissement que de voir, comme qui dirait là, devant nous, un grand lac de pois résine bouillant un gros bouillon, dans lequel nage et s'agite une infinité de serpents, de couleuvres, de lézards, et mille autres espèces d'animaux féroces et épouvantables? Tout à coup, du fond de ce lac sort une lamentable voix qui dit « Toi, chevalier, qui que tu sois, qui a regardé ce lac effroyable, si tu veux obtenir le trésor qu'il cache sous ses noires eaux, montre la valeur de ton cœur invincible, jette-toi au milieu de ce liquide enflammé. Si tu ne le fais pas, tu ne seras pas digne de voir les hautes et prodigieuses merveilles que renferment les sept châteaux des sept fées qui gisent sous cette noire épaisseur. » Le chevalier n'a pas encore achevé d'entendre la voix redoutable que déjà, sans entrer en calcul avec lui-même, sans considérer le péril qu'il affronte, sans même se dépouiller de ses armes pesantes, mais en se recommandant à Dieu et à sa dame, il se précipite tête baissée au milieu du lac bouillonnant. Et quand il se doute le moins de ce qu'il va devenir, le voilà qui se trouve au milieu d'une campagne fleurie, à laquelle les Champs-Élysées n'ont rien de comparable. Là, il lui semble que l'air est plus transparent, que le soleil brille d'une clarté nouvelle. Un bois paisible s'offre à sa vue. Il est planté d'arbres si verts et si touffus que leur feuillage réjouit les yeux. Tandis que l'oreille est doucement frappée des chants suaves et naturels d'une infinité de petits oiselets aux nuances brillantes qui voltigent gaiement sous les rameaux entrelacés. Ici se découvre un ruisseau, dont les eaux fraîches, semblables à un liquide cristal, courent sur une fine arène et de blancs cailloux, qui paraissent un lit d'or criblé de perles orientales. Là, il aperçoit une élégante fontaine artistement formée de jaspe aux mille couleurs et de marbre poli. Plus loin, il en voit une autre, élevée à la façon rustique, où les fins coquillages de la moule et les tortueuses maisons blanches et jaunes de l'escargot, ordonnées sans ordre et mêlées de brillants morceaux de cristal, forment un ouvrage varié où l'art, imitant la nature, semble la vaincre à cette fois. De ce côté paraît tout à coup un formidable château fort, ou un élégant palais, dont les murailles sont d'or massif, les créneaux de diamants, les portes de hyacinthe, et finalement dont l'architecture est si admirable que bien qu'il ne soit formé que d'or, de diamants, d'escarboucles, de rubis, de perles et d'émeraudes, la façon, toutefois, est plus précieuse que la matière. Et que peut-on désirer de plus, quand on a vu cela, que de voir sortir par la porte du château un grand nombre de damoiselles, dont les riches et galantes parures sont telles que si je me mettais à les décrire, comme font les histoires, je n'aurais jamais fini. Aussitôt, celle qui paraît la principale de la troupe vient prendre par la main l'audacieux chevalier qui s'est jeté dans les flots bouillants du lac et le conduit, sans dire un mot, dans l'intérieur de la forteresse ou du palais. Après l'avoir déshabillé, nu comme sa mère l'a mis au monde, elle le baigne dans des eaux tièdes, le frotte d'onguents de senteur et le revêt d'une chemise de fine percale, toute parfumée d'odeurs exquises. Puis, une autre damoiselle survient qui lui jette sur les épaules une tunique qui vaut au moins, à ce qu'on dit, une ville tout entière, et même davantage. Quoi de plus charmant, quand on nous compte ensuite qu'après cela, ces dames le mènent dans une autre salle, où il trouve la table mise avec tant de magnificence qu'il en reste tout ébahi. Quand on lui verse sur les mains une eau toute distillée d'ambre et de fleurs odorantes, quand on lui offre un fauteuil d'ivoire, quand toutes les damoiselles le servent en gardant un merveilleux silence, quand on lui apporte tant de mets variés et succulents que l'appétit ne sait où choisir et tendre la main. Quand on entend la musique qui joue tant qu'il mange, sans qu'on sache ni qui l'a fait ni d'où elle vient. Et quand enfin, lorsque le repas est fini et le couvert enlevé, lorsque le chevalier, nonchalamment penché sur le dos de son fauteuil, est peut-être à se curer les dents, selon l'usage, voilà que tout à coup la porte s'ouvre et laisse entrer une autre damoiselle, plus belle que toutes les autres, qui vient s'asseoir auprès du chevalier et commence à lui raconter quel est ce château et comment elle y est enchantée, avec une foule d'autres choses qui étonnent le chevalier et ravissent les lecteurs qui sont à lire son histoire. Je ne veux pas m'étendre davantage sur ce sujet, mais de ce que j'ai dit, on peut inférer que quelques pages qu'on ouvre de quelque histoire de chevalier errant que ce soit, elle causera sûrement plaisir et surprise à quiconque la lira. Que votre grâce m'en croie. Lisez ces livres, ainsi que je vous l'ai dit, et vous verrez comme ils chasseront la mélancolie que vous pourriez avoir, et comme ils guériront votre mauvaise humeur, si par hasard vous l'avez mauvaise. Quant à moi, je peux dire que depuis que je suis chevalier errant, je me trouve valeureux, libéral, poli, bien élevé, généreux, affable, intrépide, doux, patient, souffrant avec résignation les fatigues, les douleurs, les prisons, les enchantements. Et quoiqu'il y ait si peu de temps que je me sois vu enfermé dans une cage comme un fou, je pense bien que par la valeur de mon bras, si le ciel me favorise et que la fortune ne me soit pas contraire, je me verrai sous peu de jours roi de quelque royaume, où je pourrai montrer la gratitude et la libéralité dont mon cœur est pourvu. Car, par ma foi, Seigneur, le pauvre est hors d'état de faire voir sa vertu de libéralité, en quelque degré qu'il la possède. Et la reconnaissance qui ne consiste que dans le désir est chose morte, comme la foi sans les œuvres. Voilà pourquoi je voudrais que la fortune m'offrît bientôt quelque occasion de devenir empereur, pour que mon cœur se montrât tel qu'il est par le bien que je ferai à mes amis, surtout à ce pauvre Sancho Panza, mon écuyer, qui est le meilleur homme du monde. Oui, je voudrais lui donner un comté, que je lui ai promis il y a plusieurs jours, mais je crains seulement qu'il n'ait pas toute l'habileté nécessaire pour bien gouverner ses états. Sancho entendit ces dernières paroles de son maître et lui répondit sur le champ. Travaillez, Seigneur Don Quichotte, à me donner ce comté, autant promis par votre grâce qu'attendu par moi, et je vous promets que l'habileté ne me manquera pas pour le gouverner. Si elle me manque, je vais dire qu'il y a des gens qui prennent en fermage les seigneuries des seigneurs. Ils leur donnent tant par an de revenus et se chargent des soins du gouvernement. Et le seigneur reste les bras croisés, touchant et dépensant la rente qu'on lui paye, sans prendre souci d'autre chose. C'est justement ce que je ferai. Au lieu de me rompre la cervelle, je me désisterai de l'emploi, et je jouirai de mes rentes comme un duc, sans me soucier du qu'en dira-t-on. Ceci, mon frère Sancho, dit le chanoine, s'entend fort bien quant à la jouissance du revenu, mais non quant à l'administration de la justice, qui n'appartient qu'au seigneur de la seigneurie. C'est là que sont nécessaires l'habileté et le droit jugement, et surtout la bonne intention de rencontrer juste. Car si celle-là manque dans le principe, les moyens et la fin iront tout de travers. Aussi Dieu a-t-il coutume de donner son aide au bon désir de l'homme simple, et de la retirer au méchant désir de l'homme habile. Je n'entends rien à toutes ces philosophies, reprit Sancho, mais ce que je sais, c'est que je voudrais avoir le comté aussitôt que je serai capable de le gouverner. Car enfin, j'ai autant d'âme qu'un autre, et autant de corps que celui qui en a le plus, et je serai aussi bien roi de mes états qu'un autre l'est des siens, et l'étant, je ferai tout ce que je voudrais, et faisant ce que je voudrais, je ferai à mon goût, et faisant à mon goût, je serai content, et quand on est content, on n'a plus rien à désirer, et quand on n'a plus rien à désirer, tout est fini. Ainsi donc, que le comté vienne, et que Dieu vous bénisse, et au revoir, bonsoir, comme dit un aveugle à son camarade. Ce ne sont pas là de mauvaises philosophies, comme vous dites, Sancho, reprit le chanoine. Mais cependant, il y a bien des choses à dire sur ce chapitre des contés. Je ne sais trop ce qu'il reste à dire, interrompit Don Quichotte. Seulement, je me guide sur l'exemple que m'a donné le grand Amadis de Gaulle, lequel fit son écuyer comte de l'île ferme. Ainsi, je puis bien, sans scrupule de conscience, faire comte Sancho Panza, qui est un des meilleurs écuyers qu'ait jamais eu chevalier errant. Le chanoine resta confondu des extravagances raisonnables, si l'extravagance admet la raison, qu'avait dite Don Quichotte, de la manière dont il avait dépeint l'aventure du chevalier du lac, de l'impression profonde qu'avaient faite sur son esprit les rêveries mensongères des livres qu'il avait lus, et finalement de la crédulité de Sancho, qui soupirait avec tant d'ardeur après le comté que son maître lui avait promis. En ce moment, les valets du chanoine, revenant de l'hôtellerie, amenaient le mulet aux provisions. Ils dressèrent la table avec un tapis étendu sur l'herbe de la prairie, et tous les convives, s'étant assis à l'ombre de quelques arbres, dînèrent en cet endroit, pour que le bouvier ne perdît pas, comme on l'a dit, la commodité du pâturage. Tandis qu'ils étaient paisiblement à manger, ils entendirent tout à coup le bruit aigu d'un sifflet qui partait d'un massif de ronces et de broussailles dont ils étaient proches. Et presque au même instant, ils virent sortir de ces broussailles une jolie chèvre qui avait toute la peau mouchetée de noir, de blanc et de fauve. Derrière elle venait un chevrier qui l'appelait de loin, en lui disant les mots à leur usage, pour qu'elle s'arrêtât et rejoignît le troupeau. La bête fugitive accourut tout effrayée vers les voyageurs, comme pour leur demander protection, et s'arrêta près d'eux. Le chevrier arriva, la prit par les cornes, et comme si elle eût été douée d'intelligence et de réflexion, il lui dit « Ah, montagnarde, ah, bariolée, et qu'avez-vous donc depuis quelques jours à ne plus marcher qu'à cloche-pied? Quelle mouche vous pique? Ou quel loup vous fait peur, ma fille? Ne me direz-vous pas ce que c'est, mignonne? Mais qu'est-ce que ce peut être, sinon que vous êtes femelle, et que vous ne pouvez rester en repos? Maudite soit votre humeur et l'humeur de toutes celles que vous imitez. Revenez, revenez, mamie. Vous n'êtes pas aussi joyeuse, au moins vous serez plus en sûreté dans la bergerie et parmi vos compagnes. Car si vous, qui devez les guider et les diriger, vous allez ainsi sans guide et sans direction, qu'est-ce qui arrivera d'elles ? » Les paroles du chevrier réjouirent fort ceux qui les entendirent, notamment le chanoine qui lui dit « Par votre vie, frère, calmez-vous un peu, et ne vous hâtez pas tant de ramener cette chèvre au troupeau, puisqu'elle est femelle, comme vous dites. Il faut bien qu'elle suive son instinct naturel, quelque effort que vous fassiez pour l'en empêcher. Tenez, prenez ce morceau et buvez un coup, vous apaiserez votre colère, et la chèvre s'en reposera d'autant. » En disant cela, il lui tendait avec la pointe du couteau un râble de lapin froid. Le chevrier prit, remercia, but, s'adoucit et dit ensuite « Je ne voudrais pas vraiment que, pour m'avoir entendu parler avec tant de sérieux à ce petit animal, vos grâces me prisent pour un imbécile, car en vérité, il y a bien quelques mystères sous les paroles que j'ai dites. Je suis un rustre, mais pas tant néanmoins que je ne sache comment il faut s'y prendre avec les gens et avec les bêtes. » « Je le crois bien vraiment, répondit le curé, car je sais déjà, par expérience, que les bois nourrissent des poètes et que les cabanes de bergers abritent des philosophes. » « Du moins, seigneur, répliqua le chevrier, elle recueille des hommes devenus sages à leurs dépens. Pour que vous croyiez à cette idée, et que vous la touchiez du doigt, je veux, bien qu'il semble que je m'invite sans être prié, si cela toutefois ne vous ennuie pas, et que vous consentiez à me prêter un moment d'attention, je veux, dis-je, vous conter une aventure véritable qui viendra en preuve de ce qu'a dit ce seigneur, montrant le curé, et de ce que j'ai dit moi-même. » Don Quichotte répondit sur le champ. Comme ceci m'a l'air d'avoir je ne sais quelle ombre d'aventure de chevalerie, pour ma part, frère, je vous écouterai de grand cœur. Et c'est ce que font aussi ces messieurs, parce qu'ils sont gens d'esprit et fort amis des nouveautés curieuses qui étonnent, amusent et ravissent les sens, comme je ne doute pas que va faire votre histoire. Commencez donc, mon ami, nous vous écoutons tous. Je retire mon enjeu, s'écria Sancho. Pour moi, je vais au ruisseau avec ce pâté, dont je pense me saouler pour 3 jours, car j'ai ouï dire à monseigneur Don Quichotte qu'un écuyer de chevalier errant doit manger, quand il en trouve l'occasion, jusqu'à n'en pouvoir plus, parce qu'il pourrait bien lui arriver d'entrer par hasard dans une forêt si inextricable qu'il ne puisse trouver de 6 jours à en sortir. Et, ma foi, si le pauvre homme ne va pas bien repu, ou le bissac bien rempli, il pourrait fort bien rester là, comme il lui arrive maintes et maintes fois, devenu chair de momie. « Tu es toujours pour le positif, Sancho, lui dit Don Quichotte. Va-t'en où tu voudras, et mange ce que tu pourras. Moi, j'ai déjà l'estomac satisfait. Et il ne me manque plus que de donner à l'âme sa collation, comme je me la donnerai en écoutant l'histoire de ce brave homme. » « Nous la donnerons aussi, à toutes nos âmes, ajouta le chanoine. » Et il pria sur le champ le chevrier de commencer le récit qu'il venait de leur promettre. Le chevrier donna 2 petits coups de la main sur les flancs de la chèvre, qu'il tenait toujours par les cornes en lui disant « Couche-toi près de moi, bariolé, nous avons du temps de reste pour retourner à la bergerie. » On aurait dit que la chèvre l'eût entendu, car dès que le maître se fut assis, elle se coucha fort paisiblement à ses côtés, et le regardant au visage, elle faisait croire qu'elle était attentive à ce que disait le chevrier, lequel commença son histoire de la sorte.